que c'est que ça? Un micro. Pour parler très fort. Non, pas très fort justement. S'il y a un micro, ça veut dire que tu peux parler normalement et que le micro va enregistrer ce que tu veux. Et c'est quand chaud. J'enregistre qui? Rémi. Là, j'enregistre qui? James. Kevin. Rose-Michel. Samia. Sarah. Samia. Marco. Rose-Michel. Valérie. Et ça, il m'a appris. Mais ça, pas. Et comme c'est la même deuxième phrase, à mon avis. Tu vois, toute bête tombée dans le bois, couleuvre tombée dans le bois. C'est un dialecte. C'est du créole. C'est la langue nationale avec le français. Ils en ont deux. Mais les gens, entre eux, parlent créole et dans les écoles, c'est en français. Et Rose-Michel, elle parle le créole ? Elle le parlait quand elle est arrivée. Maintenant, elle comprend, mais elle ne parle plus. Et son papa lui parle encore de temps en temps en créole. Par exemple, on était en vacances et ça revient assez vite. Quoi. Après un mois, elle commençait déjà à reparler créole. Quoi. On ne le parle pas assez ici. Entre nous, quand on parle français. Celle-là, normalement, elle la connaît. Dodo, petite maman. Dodo, petite maman, dodo, petite maman, si ou pas dodo, que la manger. Je le mets dans ma bouche et je mâche. Je mâche la bouche ouverte. Je mâche la bouche fermée. J'ouvre la bouche. Je prends le chewing-gum magique et hop, il disparaît. Il n'est plus dans la bouche. Il est magique, hein. Écoutez bien. Tous ensemble. Maman de Rose-Michel. Qu'est-ce qu'elles viennent faire, les mamans, voilà. À la bibliothèque, le mercredi matin? Elle chante parce qu'elle va chanter. Elle est là pour chanter une musique de son pays. 1, 2, 3. Petits oiseaux, côté où praler, moi praler, qu'elle fiette la l'eau. Fiette la l'eau, quand manger timoun, si où praler, là manger ou tout. Ça vous dit rien, ça, petits oiseaux? Ça ressemble à un mot en français. Oiseau. Voilà. Est-ce que vous savez en quelle langue c'est chanté? Ça vient en Haïti. Ça vient d'Haïti, oui. Et quelqu'un veut demander quelle langue on parle? Quelle langue on parle? Créole. Jardin, ce train aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu là? Que fais-tu là? Je suis le train des chansons. Je viens de très loin. Je viens d'Haïti. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller au Maroc. Et vous avez aussi envie d'aller au Maroc apprendre des chansons avec nous? Allez, on monte tous dans le train. On s'assied en première classe, hein. واحد جوج ثلاثة بمشل سباتة جاب لي قميجة أنا واختي خديجة خديجة خديجة طالعة البيرو كتشرب السيرو آتي والشيبة دارتو الخليفة واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة Vous parlez beaucoup en arabe à la maison? Oui, oui. Quelques fois moi. Parfois je parle, parfois il ne comprend pas, alors je traduis. En français? Oui, je parle en arabe, parfois il ne comprend pas. Je traduis en français. Mais avec sa sœur, je parle, il me comprend. Sa sœur, il est un peu plus grande que lui, donc il comprend bien. Moi, j'ai 5 ans et ma sœur, elle a 9 ans. Parce qu'il sait très bien parler en français, ça je sais, il comprend bien. Mais en arabe, comme il est né ici, il ne sait pas. Donc il faut qu'il... C'est né en Belgique. Oui. Il faut juste qu'on insiste à parler en arabe. Quand à la maison, parfois, il parle avec son grand-père. Avec son grand-père, il parle en arabe. J'ai dit, ton grand-père ne comprend pas le français, alors essaie de parler en arabe. Alors il dit, salam alaikum, et tout ça. Zaïd, il est gêné. Il est timide. Tu la connais pas, Zaïd? Si, on a chanté hier. Oui? Tu veux pas la chanter avec ta maman? Viens, viens, on va chanter ensemble. Oui, allez, Zaïd. Moi, ça me ferait super plaisir. Alors tu viens d'où toi? Du Maroc. Tu es née au Maroc ou tu es née en Belgique? Je suis née en Belgique. Et ma sœur elle vient du Maroc et mon papa aussi et ma maman aussi. Est-ce que tu es déjà allée en vacances au Maroc? Non, pas encore. Quand ce seraient les grandes vacances, oui. J'imagine que mon grand-père, j'imagine qu'il a porté des barbes. Il avait aussi une moustache blanche. Mais ça, c'est aussi mon tonton qui est en France. Et j'imagine aussi ma grand-mère. J'imagine comme elle est. Tu crois qu'elle est gentille? Oui, elle est gentille. J'imagine qu'autour de la maison, il y a un drapeau, il est écrit dans le drapeau Maroc. J'arrive devant la maison de Protino. Toc, toc. Toc, toc, toc. On a chanté, on a dansé, on a aussi fait le petit train et on est allé dans le bateau. Et on est allé où? À le Brésil, c'est très loin d'ici. Et tu es déjà allé? Oui. T'es venue en Belgique il y a combien de temps? Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a qui dans ta classe qui parle portugais aussi? Raphaël, Giovanna, Diogo, Richard, Luca, Avec Giovanna, je parle beaucoup en portugais avec elle. Est-ce que tu te souviens de commencer le Brésil? Non, je sais pas. T'aimerais bien y retourner? Non, je ne veux pas rester à la Belgique. Et aujourd'hui, Valérie, elle va nous chanter une chanson de quand elle était petite. Ce sont des comptines françaises, parce que ma famille vient de France, voyez. Et donc ici, vous voyez l'illustration, le dessin de la petite chanson avec la mère Michel qui a perdu son chat et le père Lustucru. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, mais non, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Sur l'air du tra-la-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la-la, sur l'air du tra-diridera et tra-la-la. Maman, ça veut dire bonjour. Je connais pas trop le malgache. Je connais pas beaucoup de phrases. C'est ton papa ou ta maman qui parle malgache? Ma maman. Ta maman? Mon papa, il est blanc. Il vient pas de Madagascar. Qu'est-ce que t'as envie de me dire sur Madagascar? Il fait beaucoup chaud, il pleut pas, le temps change pas, il fait toujours chaud. Des fois, il neige un tout petit peu. Quand il y a de la neige, il y a beaucoup de soleil et beaucoup de neige. Comme ça, on n'est pas au lieu de mettre des habits. Oui, je suis allée déjà. Mais quand j'étais bébé, il faut aller dormir. 3 dodo et on arrive qu'on a dormi 3 dodo. Ça fait beaucoup de dodo. Allez les loulous. Petite brésilienne. Bonjour. En plus dans notre classe. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu as mis ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Un panneau. Un panneau? C'est une carte. C'est une carte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait à quoi ça sert une carte comme ça? Une carte pour aller au chemin, pour suivre un chemin, en fait. La carte, ça représente le chemin et ça représente aussi là où on habite, les pays du monde. Et alors la Belgique, c'est ici. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous êtes prêts pour faire un voyage? Oui. Mais moi, je vois qu'il y a ici une maman. C'est la maman de qui? D'Oda. D'Oda. Et comment s'appelle le pays de maman d'Oda? Qui c'est? L'Algérie. Au Maroc. Nous sommes à Bruxelles, en Belgique. À côté du Maroc. C'est en Algérie. C'est pas loin du pays de Est-ce que t'aimes bien cette chanson? Oui. Tu sais dire autre chose en kabyle? Non. Tu sais dire, hein? Qu'est-ce qu'on parle à la maison? C'est quoi, comment on dit, va faire dodo? Al-hatine. C'est ça. Tu parles kabyle à la maison? Oui. Avec qui tu parles kabyle à la Avec maison? Avec ma petite sœur. On parle souvent à la maison le kabyle. C'est important pour nous. Pour ma mère, pour ma belle-mère aussi. Parce qu'ils ne parlent pas bien le français, alors... Même pour qu'ils connaissent aussi l'origine ou de l'Algérie. Tes parents, ils viennent de quel pays? Du bled. Je prends l'avion. T'es déjà allée plusieurs fois? Non, Quand j'étais bébé, j'étais dans le ventre de ma maman. Des fois, moi, je dors et je pense à le bled. Je fais un cauchemar du bled. Ils ont un chien qui est gentil avec des petits bébés au bled. Et je rigolais, il a pris la poupée de Naïla et il a mangé. Moi, j'ai tiré, j'avais eu peur qu'il me mord. Tu crois que tu vas y aller quand au bled? Mais moi, je voulais aller en vacances. C'est le premier mot, d'accord? Et puis c'est Gali Galawe. Gali Galawe. Gali. Alors, on essaye ensemble? Je ne sais pas dans quel pays d'Afrique on chante cette chanson-là. On va essayer? Oui. Rumbali, on essaie de dire Rumbali ensemble? C'est quoi Rumbali? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Rumbali, c'est... Juste ça. Rumbali. Et après c'est... Gali, gabali. Non. Gali, galawe. Gali, galawe. Yo no entiendo todavía qué proyecto será porque como me has dicho que venga a cantar. Ya, cantamos en todos los idiomas de la clase. Si. Jérémy, il est né en Équateur ou en Espagne? Espagne. En Espagne. C'est lui qui va chanter, vous allez jouer. Oui, normalement, nous allons chanter les deux. Les deux ensemble. Qu'est-ce que vous faites? On souhaite raconter l'histoire à Madame Céline? Oui. C'est l'histoire de qui déjà? Olga. Olga. Et Olga, c'est qui? Une vache. Et elle pense... Elle a envie de quoi, Olga? En fait, elle est dans les pays. Elle vit où? En France. En France. Et la France aussi. Se trouve où, les petits loups, sur la carte ici? Là. Et ensuite, Olga, elle va où? Regardez. En Chine. Viens montrer sur la carte où se trouve la Chine. Voilà. Et où se trouve la Chine? Est-ce que tu te rappelles? C'est à côté de la Belgique? Non. C'est juste en dessous de la Russie, regarde. Hop, hop, hop, hop, hop. Donc, elle est ici. Et puis, où va-t-elle? En Amérique. C'est le Pérou. C'est au Pérou. Qu'est-ce qu'ils font les lamas, là, les loulous? Ils crachent. Ils crachent d'eau. Ils crachent de la salive. Et ensuite, où va-t-elle, les loulous? Schlimak, vestra frogi, dam ci sera na pirogi. Jak ti sera to kapuste, od kapuste będzie stuste. Qu'est-ce que tu préfères, le polonais ou le français? Le français. Pourquoi? Parce qu'on est à l'école. Et ta maman, quand elle s'énerve, est-ce qu'elle crie en polonais ou est-ce qu'elle crie en français? Elle crie pas. Et quand elle te met au lit et qu'elle te chante des petites chansons, c'est en polonais ou en français? Elle chante pas. Et quand elle te parle au téléphone, elle te parle en polonais ou en français? En polonais. Et ta grand-mère? En polonais. Et est-ce que tu parles un petit peu portugais? Tira o pano, o gato, to, mas o gato, to, mano, réu, réu, réu, tá na China, que, que, dubero, su, su, dubero, dubera, gato de, miau. C'est la maman de Barbara qui est venue. Elle est venue par ici. Bonjour les enfants. Maman Barbara, ça va? Quel accueil! Je vais vous montrer dans la carte. Nous sommes là, en Belgique. Et le Portugal, c'est là. Là. Le bleu là. Il faut qu'on traverse la France, l'Espagne et après on arrive au Portugal. Indo eu, a caminho de Viseu. Indo eu, a caminho de Viseu. Encontrei o meu amor. Ai Jesus, que lá vou eu. Encontrei o meu amor. Ai Jesus, que lá vou eu. Horas os trus-trus, horas as tras-tras, horas os trus-trus, horas as tras-tras, horas chega, chega, chega, ora arreda lá para trás. On a déjà chanté des chansons en portugais? Oui, oui. Oui, qui c'est le? Moi, le nom. Je sais. Dis-moi. Le chat. Le chat, très et bien. La fourmi. Et en plus. Et Sambalele. Et Sambalele. Fui ao mercado comprar café. E a formiguinha picou o meu pé. E eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar a calda roxa. Mas a formiguinha e picou a minha coxa. E eu sacudi, sacudi, sacudi. Ma maman, elle est tunisienne, mon frère aussi, ma soeur aussi, et mon papa est turc, alors je suis les deux la même. J'écoute plein de choses de musique de Pologne, de malgache, de turc. Je connais toutes les langues, je comprends la langue. Et t'aimes bien ça? Ouais. Quelle langue tu préfères? L'anglais, l'Angleterre. Waouh! Et vous avez déjà chanté des chansons en anglais? En Angleterre. J'ai pas encore allé, mais je vais dans beaucoup de dodo, je vais aller. D'abord, je vais aller en Turquie. Après, quand ce sera encore les vacances, je vais aller en Bagbanada. Et après, je vais aller en... Quand j'aurai beaucoup de congés, alors je vais aller en Angleterre. Pour aller, tu dois prendre le train et tu vas dans la mer comme ça. En fait, t'as la mer et le train, il roule. Et après, quand t'arrives dans la mer, il va sur un truc et ça fait chou. Il va dans l'eau. On commence par Shems. Escargot. Ouais. Escargot, c'est le polonais. Est-ce que vous vous souvenez comment on dit escargot en polonais? Elle n'est pas là, Natalia, elle est dans l'autre groupe. Personne ne se souvient? Slimak, slimak. Lucas, tu pioches? Chut. C'est quelle chanson ça, Lucas? Du chat. La chanson du chat. C'est en quelle langue? En portugais. En portugais, d'accord. Et on la chante dans quel pays? Au Portugal. Au Portugal, mais encore dans un autre pays. Au Brésil. Au Brésil, et encore en polonais. De pays d'où vient la maman de Kevin? En Angola. En Angola aussi, on chante la chanson du chat. Tirei o pau ao gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, reu, reu. Dona Chica, demirou-se, Et vous allez faire un spectacle à la fin de l'année? Ouais. Yeah. On va danser. Et avec la musique de Malgachou, et ben on va se donner tout là-bas. Toujours là-bas, avec Madame Vanessa. Et après, on va tourner avec dans le cerceau, comme ça. Et la chanson de Petit Oiseau, quand après les quatre, on va se mettre comme ça avec un, deux. Et on va faire un peu stack avec toutes les musiques. Où est-ce que tu aimerais voyager plus tard? En Libye. Parce qu'en Libye, on parle comment, Libye? Libyen, je pense, ou arabe. Libyen, ouais. Libyen. Et j'ai envie d'aller en Égypte. Parce qu'ils parlent égyptien. Et un autre pays encore? Ouais, il y a juste un pays. C'est un pays que j'ai envie d'aller vraiment aujourd'hui. Mais je peux pas parce que c'est pour les très grands. Parce qu'en Amérique, c'est pour les grands. Et ben aussi dans le pays que j'ai envie d'aller, c'est pour les grands. Tiens, quand tu seras grand alors? Ouais, je vais aller là-bas. Continent Voyage, un moment d'expression, de création, avec des enfants de l'Athénée Royal Victor Horta. Merci à Katharina Sena, Odette Barqueiro, Vanessa Scollart, Valérie Muller, Ronel van der Heijden et Christian Copin. Avec l'appui de la communauté française de Belgique, de l'ambassade du Portugal et de l'atelier Grafouille. Continent Voyage, une réalisation de Céline Armaillet.